1. Korinther 14. Es ist einer seiner Gaben, aber diese Gabe ist sehr wichtig. 1 Korinthiens 14:39. Praise the Lord. Is somebody getting it, please? 1. Korinther. Amen. Does she know how to read? 14. Yes. Has she started reading? 39. Okay. Maybe I will tell her to read first. Yeah. She's not careful. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 39. It says, wherefore, brethren, convert to prophesy, and forbid not to speak with tongues. It is a command that you don't forbid to speak with tongues. Es ist ein Befehl, dass du nicht verbietest, in fremden Zungen zu beten. 1 Corinthiens 14:39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. C'est un commandement qu'on ne doit pas empêcher les gens de parler en langue. Are you getting it? You don't forbid it. Du verbietest es nicht. Do you know why? Because speaking in tongues is the cup you use to draw water out of the well. Then without it, that water cannot come out. It's what you use to draw the other gift out. Denn mit dem in fremden Zungen sprechen ziehst du all die anderen Gaben des Geistes aus dir heraus wie ein Becher. C'est vraiment essentiel de parler en langue parce que c'est quand tu parles en langue, c'est comme si tu étais en train de puiser de l'eau d'une source pour le boire. Et c'est comme ça que à travers c'est comme un gobelet que tu prends pour puiser de l'eau dans une source pour boire. Et sans ce gobelet-là, tu ne peux même pas boire. Donc c'est essentiel pour aussi avoir autre don qu'il a préparé pour toi. Amen. Mm-hmm. If you go to John 6, the Samaritan woman that Jesus met at the well, Jesus said, give me water so that I will give you my own water also. Mm-hmm. Amen. I have a water. Then in John 7, it's very important. Talks about, go to John 7, please. Als bei der Samaritanin Frau war. The other one is John 4, but let's go to John 7. Bei Johannes 4 hat er die Frau um Wasser gebeten, damit er mit er der Frau Wasser geben kann. On va lire Jean 7. John 7, 37 to 39. Johannes 7. He said in the last day, that Jean great 7, day of the feast. 37 à 38. Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. If any man thirst, let him come unto me and drink. Der soll zu mir kommen, sagt Jesus. Il a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. That water must, you know, you must draw it out. Speaking in tongues, we will draw it out. Amen. Very important. Under grace, speaking in tongues under grace and not under law. Yes, that is another topic entirely. Amen. Und mit dem entfremden Zungen sprechen ziehst du dieses Wasser raus. On voit qu'on venait de dire que quand tu parles en langue, lui-même il a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc tu as soif, tu vas chez l'Éternel. Donc tu dois utiliser quelque chose pour boire. Et ça c'est le Saint-Esprit que tu vas prendre son eau, l'eau divine, pour boire maintenant dedans. Donc c'est oui. Amen. C'est important, c'est essentiel. It's a hit, verse 38. 38. Verse 38, please. 38. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of water, of living water. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 39. But this speak he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given. Because that Jesus was not yet glorified. Mm-hmm. Is somebody getting something there? Mm-hmm. Praise the Lord. Yeah. Amen. Mm-hmm. Speaking in tongues is not makeup at all. Baptism of the Holy Spirit is not makeup at all. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. The Spirit of Christ in you is not made up. Mm-hmm. It is real. In fremden Zungen zu sprechen ist nicht erfunden oder der Geist Gottes in dir ist auch nicht erfunden. Das ist alles wahrhaftig. Le Saint-Esprit n'est pas inventé. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas inventé. Parler en langue, c'est pas inventé. Ton salut, c'est pas inventé. C'est ça, tout ça, c'est Jésus-Christ. C'est réel et tu dois y croire. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And also in Mark 16, verse 17, speaking in tongues is a sign that you have the Holy Spirit also. Und auch Matthäus 16. This sign shall follow them that believe. Lesen wir, dass in fremden Zungen zu sprechen auch ein Zeichen ist, dass du errettet bist, dass du den Geist in dir hast. En Matthieu, on lit aussi que Mark 16, verse 17. Mark says, "These signs shall follow them that believe. Amen. They shall speak with new tongues. They are there. Amen. Amen. Praise the Lord." Mark 16 nous dit aussi que les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, c'est aussi parler en langue. Amen. Speaking in tongues through Christ. Amen. Mais faut faire attention, on parle de parler en langue à travers Jésus-Christ. Amen. And not through any religion. Sur la grâce, it's not, et pas sur la religion. It's not the Holy Spirit. Amen. Muhammad is not the Holy Spirit. Amen. John 16 help us to know the job of the Holy Spirit. Through the work of the Holy Spirit, you will know they are not the Holy Spirit. I don't know if we can even get, if I since I don't have them here. Und amen. Durch die es geht um das Fremdenzungen sprechen in Wahrheit, also in Christus, nicht in Religion und nicht in Irrlehre. Der Papst ist nicht der Heilige Geist und Mohammed ist auch nicht der Heilige Geist. Durch das Werk, durch die Aufgabe und Funktion des Heiligen Geistes werden wir erkennen, dass diese Leute, dass diese Menschen eben nicht der Heilige Geist sind, weil sie andere Werke im Sinn hatten. Et donc, il s'agit de parler en langue sous la grâce et pas sous la loi. Et si, par exemple, à travers les œuvres des personnes, on va savoir s'ils sont en train de parler en langue à travers la grâce ou bien à travers la loi. There's nothing like I have the Holy Spirit, but I don't speak in tongues. Es gibt keinen, ich habe den Heiligen Geist, aber ich spreche bewusst nicht in fremden Zungen. Das ist bösartig. Et donc, ça n'existe pas quand que tu puisses dire que oui, j'ai le Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Ça, c'est, tu ne peux pas soustraire de parler en langue du Saint-Esprit. C'est comme il a dit, il ne faut pas interdire aux gens de parler en langue. Amen. C'est de ses œuvres, c'est comme ça qu'il se manifeste. Amen. You cannot even stop it. That you have the Holy Spirit and you just choose, except Satan is working in you. Except you don't, maybe you don't have it at all. If you have the Holy Spirit, you will cooperate with the Holy Spirit. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann wirst du auch mit dem Heiligen Geist kooperieren. Du wirst ihn nicht unterdrücken oder zurückhalten, weil das wird nur zeigen, dass du ihn gar nicht wirklich hast oder dass du, dass der Teufel gerade durch dich hindurch wirkt, weil du den Geist Gottes in dir bremst. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas essayer de retenir ou bien de freiner le Saint, le parler en langue. Parce que si tu le fais, ça signifie que tu as un esprit mauvais qui est en train de régner sur toi. Amen. Amen. And you must speak in tongues. And you better do. If not, Satan will destroy you. Und wir müssen fremden Zungen sprechen. Wir sollten es auch tun, weil sonst wird der Satan uns zerstören. Es ist eine Waffe. Amen. Tu dois parler en langue. C'est un devoir que tu dois faire parce que sinon le diable va te détruire parce qu'il est derrière toi. We know of a couple that were once here. They ignored the Holy Spirit, and we know what happened to them later. Mm-hmm. It's a matter of time. You can't. It's like a branch is out of the tree. You say without me you can do nothing. Without the power of the Holy Spirit you can do nothing. Mm-hmm. Und wir kennen ein Ehepaar, was sich entschieden hat, dann nicht mehr das zu tun. Und wir haben gesehen, was ihr Ende war. Ne, das ohne das ist eine Frage der Zeit, bis diese Menschen dann halt abfallen. Et on connaît des couples, un couple qui a refusé de parler en langue et on voit comment ils ont évolué. On voit qu'après ils étaient oui, ils devraient sortir de ça. Ils sont sortis de Dieu. Ils n'ont pas cru, ils ont plus cru en Jésus-Christ parce que ils ont essayé de freiner le Saint-Esprit en eux. Amen. You need the Holy Spirit to help you. You want the Heiligen Geist to help you to love what He loved, what Christ loved, and to help you to love what Christ loved and to hate what He hates. Mm-hmm. Without the power of the Holy Spirit, no man can do that. Mm-hmm. Ohne Kraft des Heiligen Geistes kann das kein Mensch tun. Et tu as besoin du Saint-Esprit qui va t'aider à croire ou bien à aimer ce que Dieu aime ou à détester ce que Dieu déteste. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas capable d'aimer ce qu'il aime. You know what Christ came for? Without the Holy Spirit, no one can do it. He said you have to hate your mother, your father, in Luke 14. Hate everything, hate all. including yourself that is like gold in your eyes. Mm-hmm. If any man, verse 26 of Luke 14, if any man come to me and hate not his father and mother and wife, and, no, he's talking about something that is impossible. Lucas 14, 26. Yeah. Luke 14. Verse 26. Jesus spricht hier über etwas, was unmöglich ist für den natürlichen Menschen. Luc 14, verset 26, il parle, il dit ici quelque chose qui est impossible pour l'être naturel. Il dit que si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Praise the Lord. You need the power of the Holy Spirit to hate all, including your parents, including yourself. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um all das zu hassen und uns selbst auch zu hassen. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit qui va nous aider à détester, à détester même nos parents ou bien à détester même ta propre vie. You know, those that love, they know how to quote the Bible, honor parents, honor mother, honor father. It is honor Christ and not honor the flesh. Pour tous ceux qui sont en train de dire honorez votre père, honorez votre mère, honorez tout le monde, il s'agit d'honorer Jésus-Christ et pas la chair. Honorer parents, the natural parents, honorer the flesh, it is honoring the flesh and it is honoring Satan. Mm. Die natürlichen Eltern ehren. But you have respect for anyone you committed sin. Mm. Remember that. Ja, wo ganz klar steht, dass wenn du irgendjemanden respektierst wegen seinem Alter, sonst Grund, ist das Sünde. Et honorer ton père, ta mère, tes frères et sœurs, c'est charnel. Et tout ce qui est charnel, c'est pas Dieu en fait. C'est un péché parce qu'il a dit aussi, il y a un passage biblique où il a dit que si tu respectes quelqu'un à cause de son âge, ça tu es en train de commettre aussi un péché. We need the Holy Spirit to help us to, you know, to honor Christ and not honoring the natural parents. Wir brauchen den Heiligen Geist. Without him, you cannot. You will always go the other side. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir wirklich unsere Eltern auch ehren können, weil sonst werden wir sie fleischlich ehren und nicht so wie Christus es möchte. On a besoin du Saint-Esprit pour être capable à honorer Jésus-Christ et pas honorer nos parents charnellement, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle comment honorer le Christ, et que seulement à travers sa vérité que tu peux honorer aussi tes parents, parce que sinon tu vas le faire charnellement. It is not that we don't honor our natural parents, but we honor Christ, and Christ in us honor them. Amen. Natürlich ehren wir unsere natürlichen Eltern. It's not, you know, it's not Satan honoring them. Mm. The Christ in you now honor them. Mm. Are you getting it? Yeah. C'est pas. Es ist Christus, der unsere Eltern durch uns hindurch ehrt, nicht mehr wir im Fleisch, die sie fleischlich ehren. Mm. Donc quand on dit que faut pas honorer tes pères, ton père ou ta mère. C'est, on ne dit pas qu'on on ne le fait pas, oui, mais on le fait à travers Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas moi qui honore ma mère, mais c'est le Christ en moi qui va honorer ma mère aussi, dans le Christ. Donc, c'est à travers lui que cet honneur va venir, et ce ne sera pas un honneur charnel. Amen. Amen. Remember Galatians 5:25. This period, we need to help you to understand what this period is. Mm. The period of the Father. Amen. The period of the Son, they are both over. Mm. He said, "We live in the Spirit, we walk in the Spirit." Mm. It is the period of the Spirit age. Mm. That is this period. Mm. Praise the Lord. Mm. It's different from the past period. Mm. Amen. Genau, und es ist anders als, jede Zeit hat ihre eigenen Prinzipien. Die Zeit des Vaters und des Sohnes wiederum anders als die Zeit des Heiligen Geistes. On doit comprendre qu'on a des périodes différentes. On a le période du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous sommes déjà maintenant, Galates 5, 25 nous dit, si nous vivons par esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ça nous fait voir que nous sommes dans la période de l'esprit et on doit honorer ou bien faire les histoires de l'esprit et pas de la chair. Amen. Praise the Lord. Comme par exemple honorer les parents, il avait dit ça aussi par rapport aux périodes qui étaient sans le Saint-Esprit, et maintenant on a l'Esprit en fait. Even Jesus himself said, call no man father on earth. Mm-hmm. Und Jesus selbst sagt, nenn niemanden Vater außer den Herrn selbst. In Mark 23. Ja, yeah, we are not going there, but Matthew 23, verse 9. Matthieu 23, verset 9, il nous dit aussi, n'appelle personne père sauf ton Dieu. Please, we must be conscious of the Holy Spirit. Wir müssen uns dem Heiligen Geist bewusst sein. On doit vraiment être conscient du Saint-Esprit. We need the power of the Holy Spirit to be rooted in Christ Jesus. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um verwurzelt zu sein in Christus Jesus. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être raciné dans Jésus-Christ. The Holy Spirit is the God of now. Der Heilige Geist ist der Gott von jetzt. Le Saint-Esprit, c'est notre Dieu présent maintenant là. The most important person on the face of the earth today is the Holy Spirit. Die wichtigste Person auf der Erde ist der Heilige Geist. La personne la plus importante dans la surface de l'être de la terre, c'est maintenant le Saint-Esprit. The Holy Spirit is more important than all the doctors and professors put together. Amen. Der Heilige Geist ist wichtiger als alle Doktoren und Professoren zusammen. Le Saint-Esprit, il est même plus important que tous les professeurs et les docteurs quand tu les mets ensemble. He is more important than all your parents, family put together. Er ist wichtiger als unsere Familien und alles andere. Il est même plus important que ta famille et toute autre chose ensemble. Without the Holy Spirit, you cannot know the only true God. Ohne den Heiligen Geist kannst du den einzig wahren Gott nicht kennen. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas capable à connaître le seul vrai bon Dieu. God and Jesus sent him to complete the purpose of God on earth. Gott und Jesus haben ihn geschickt, um den Zweck hier auf Erden weiterzuführen, vervollständigen. Dieu et Jésus-Christ ont envoyé le Saint-Esprit finir leur œuvre qui est déjà aussi accomplie, mais pour le finir aussi en nous, pour nous aider à le reconnaître. Amen. Amen. Jesus said it. You know, we read it in John, in the book of John. He said, I will send the Holy Spirit. John 16. We read it there. He said, I will send the Comforter unto you. Amen. Amen. God and Jesus, you know, they sent him. God the Father, God the Son sent him. To fulfill the job that needs to be done. Gott der Vater, Gott der Sohn haben ihn geschickt, um das Werk zu vollbringen, was hier getan werden muss. Donc, on voit à Jean, il a dit aussi que Jésus-Christ a dit que je veux envoyer le Saint-Esprit pour vous conforter, pour qu'il puisse vous aider à comprendre tout ça. Donc, on voit qu'il a été envoyé pour aussi conclure ou bien finir l'œuvre qui était restée, qu'on puisse lui reconnaître, oui. Amen. Amen. The only true God sent him to do and finish the work that needs to be done. Der einzig wahrhaftige Gott hat ihn geschickt, um das, um die Aufgabe zu vollenden, die getan werden musste. Le seul vrai bon Dieu l'a envoyé à finir l'œuvre qui devrait être accomplie. And that's why the most important work on earth is not your job. The most important work on earth is the work of the Holy Spirit. Deswegen die wichtigste Aufgabe ist nicht dein Job, sondern die Arbeit des Heiligen Geistes. Et c'est pour cela l'œuvre le plus important, c'est pas ton travail, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Please listen. His work is to help you to believe Christ. Seine Aufgabe ist es, dir zu helfen, an Christus zu glauben. Son travail, c'est de t'aider à croire en Jésus-Christ. Please understand the work of the Holy Spirit. Verstehe das Werk des Heiligen Geistes. C'est vraiment, soyez attentifs et c'est important de comprendre le travail du Saint-Esprit. He is the busiest person on the planet today. Er ist die beschäftigste Person. Heilige Geist ist die beschäftigste Person auf Erden. Il est la personne qui est la plus occupée de toute cette planète. Amen. Amen. We are living in an age that is called the Spirit Age. Wir sind in einer Zeit des Geistes. Nous sommes maintenant dans un temps de l'Esprit. Again, Galatians 5. Let's go there now. Galatians 5. On va le lire à Galates 5. Amen. Amen. We just need some few times. Galatians 5. Just go through some few things then we close. Galatians 5. Verse 25. If we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Wenn wir im Geist Without leben, the Holy Spirit, you cannot live in the Spirit and walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht im Geist leben oder im Geist wandeln. Galates 5, 25 nous dit que si nous vivons par esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable à vivre et à marcher dans l'esprit. Amen. Amen. Amen. Amen. The Old Testament primarily is seen as the work of the Father. Das Alte Testament wird als das Werk des Vaters gesehen. L'Ancien Testament, on le voit comme l'œuvre du Père. The New is seen as the work of the Son. Das Neue ist, das Neue Testament ist das Werk des Sohnes. Le Nouveau Testament, c'est l'œuvre du Fils. But in our present age, this time, this is the work of the Holy Spirit day. Jetzt ist es das Werk des Heiligen Geistes. Mais maintenant, dans notre temps présent, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit maintenant. He is the one now in charge of the earth for God's children. Er ist jetzt derjenige, der für uns zuständig ist. Lui maintenant, il est maintenant la personne qui est chargée pour ses enfants ici, pour nous aujourd'hui. So we need to know him. Deswegen müssen wir ihn kennen. Il est en charge de nous, c'est pour cela que c'est important de le connaître. Learn and love to know him. Lerne und liebe es, ihn zu kennen. Apprends et aime à le connaître. The Father introduced and sent the Son. Der Vater hat den gebracht. C'est le Père qui nous a introduit le Saint-Esprit. And the Son, le Fils. Le Père nous a présenté le Fils. The Father introduced and sent his Son. Amen. If you look at all the prophets, they were all prophesying of the coming of Jesus Christ. Even that of Ahab, you read yesterday. Amen. That of Ahab. Amen. They were all pointing to Jesus. He's coming. He's coming. He's coming. The Father introduced and sent his Son. Genau, weil der Vater hat den Sohn vorgestellt. All die Propheten, sie haben von Jesus bezeugt, dass er kommen wird. Und wir haben das auch gestern in der Bible gehört. Durch Rahab, die Hure. On voit que le Père, dans l'Ancien Testament, on voit toujours que le Père a toujours essayé de nous présenter le Saint-Esprit, le Fils, de nous présenter le Fils, de nous dire qu'il va venir. Il nous a prévenu qu'il y aura un temps où son Fils va venir. On a même lu ça hier à l'histoire de Rahab, que dans le passé, dans le temps des servants, il a déjà préparé ou bien averti qu'il y aura son Fils qui va venir. Amen. The Son introduced and sent the Holy Spirit. John, you know, we are only one. That of John 16. He said, I will send the Comforter. Pray, he introduced him. And he sent him. Amen. Genau, und er hat den Heiligen Geist vorgestellt und ihn sozusagen hinterlassen. Und genauso wie er vom Vater sozusagen vorgestellt worden hat. Tout comme Jésus-Christ a été envoyé par son Père, par Dieu, ici sur terre pour nous, et aussi présenté. C'est comme ça aussi que Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit et il nous a aussi présenté le Saint-Esprit. The work of the Holy Spirit is very clear in John 16. Das Werk des Heiligen Geistes ist sehr deutlich in Johannes 16. There's nothing to confuse anybody. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est vraiment clair dans Jean 16, à partir de verset 6. C'est vraiment clair, l'œuvre du Saint-Esprit. Verse 13 and 14 said, the Holy Spirit will not say anything without Christ. Vers 13, 14 steht, dass der Heilige Geist... John 16, verse 16 to 16, from verse 6 to 16. Dass der Heilige Geist nichts ohne Jesus Christus sagen wird. Et dans Jean 16, 13, il nous dit que car le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Look at verse 13. So he will not speak of himself. He needs Christ to speak. That is the Holy Spirit. Er wird nicht von sich selbst sprechen, er braucht Christus. Donc dans Jean 16, 13, on voit qu'il ne peut pas parler lui-même. Il a besoin du Christ pour parler, pour dire tout ce qu'il a à dire. This will help you to know that Pope and Mohammed or whatever they call the Holy Spirit. It's not the Holy Spirit. Das hilft dir zu wissen, dass der Papst oder Mohammed, das ist nicht der Heilige Geist. Et ça va t'aider à comprendre que tout ce que les gens appellent Saint-Esprit, genre le Pope ou bien le Pape ou bien Mohammed ou bien je sais pas comment ils s'appellent, tous les gens là, les bouddhistes, comment... Donc ça, c'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne te dit pas quelque chose qui est le contraire de Jésus-Christ, comme on vient de dire de lire. Amen. You know what they call the Holy Spirit? And the Holy Spirit, whatever they call Holy Spirit, if it is not without Christ, it's evil spirit. Alles, was sie Christus, Heiliger Geist nennen, ohne Christus ist es ein Dämon. Et tout ce que les gens appellent Saint-Esprit, sans le Christ, ce sont des démons. Any spirit without Christ Jesus is an evil spirit. Jeder Geist ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus Christus, ist ein bösartiger Geist. Saint-Esprit sans Jésus-Christ est un esprit du diable, du diabolique qui n'est pas saint. And it is true. The Holy Spirit, you have Christ and you know Christ. Durch den Heiligen Geist kennen wir Christus und haben wir Christus. Et c'est à travers le Saint-Esprit qu'on a Jésus-Christ et qu'on possède le Christ en nous. No amount of degree can give you Christ. Keine Masse an Bildung kann dir Christus geben. Il n'y a aucun diplôme de ce monde qui est capable de te donner le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Can we stop there, please? It's already 4. Amen. Let us stop. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So please, if you have any questions, you quickly ask them.